minimum de money. Les mômes n'y manquent, mythomoniment connaissent 3, 5, 7 et son maniement. Ouais ouais, négro, loi du 100-7. On perd la raison, cherche à contrôler le réseau. Des crânes rasés à l'horizon, trahison. Quête du pouvoir, tout voir d'un coup, business pour mouvoir. Un partenariat, une familia, master. T'es pourri au commissariat, l'objectif être sélectif. Sur l'effectif, juste pour l'argent. Esprit affectif, être violent comme Marc. Dans une crèche ou un pasteur qui presse Satan. Soif de serre fraise, mais franchement, soit tu pèses ou tu trimes, négro. À quoi bon le verre levé s'il manque une balle pour le crime? Je dis panique le taf, la school. Si t'es pas fait pour ça, mais excel dans les dièses avec le staff, c'est cool. Tu sais les sentiments, ça ramène pas un centime en 10 ans. Donc je parle pas gentiment, disons. Qu'ici, ça pue l'urine et l'anus. Bonus, y'a malus, va te faire voir sur Uranus. Une tonne de broliques, brigade d'intervention, gang. Stère, on reconnaît les suceurs à leur langue. Stère ou l'ouvrir, face à la paille, c'est périr ou courir, fleurir ou pourrir. Hostile, drogue, proxénète, folle. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais comment hostile. Face aux comédiens, la rage et mauvais caractère. Caractère ne fait pas long feu, on finit le cœur à terre. Carotteur, bunny. Pompe dans le coccyx, on baisse ta race si tu mets de la flotte dans la 8-6. Cash flow, j'money, il faut des biftons. Cash flow, j'money, tu connais le dicton. Cash flow, j'money, envoie les pistons. Cash flow, j'money, money cash flows. Cash flow, j'money, il faut des biftons. Cash flow, j'money, tu connais le dicton. Cash flow, j'money, envoie les pistons. Cash flow, j'money, money cash flows. Rien que des billets rouges et verts. Costard de luxe, sexe en Lexus, cigare au bec, les filles arrosent les verres. Hôtel, resto, boîte, casino, c'est ça la vie master. Et faire croquer les siens, tous ravis. Prendre du poids, il se paie ça en triple XL. Voir son visage à l'écran en milliards de pixels. Devenir membre à part entière de la ghetto jet set. Quitter les beaux-arts du ghetto 100-7. Homme corrompu, existence comblée, ciblée avec des accords rompus, carottes pour du blé. Être un parrain, transaction de mallette, faire la navette, tenir les manettes, les lavettes, saute du terrain. Quitte à canner pour l'héritage, une prise d'otage, finir en cage, pendre un mec du 9ème étage. J'emmerde tout rageux, cash flows money, touche mon père si t'es courageux. Cash flows money, il faut des biftons. Cash flows money, tu connais le dicton. Cash flows money, envoie les pistons. Cash flows money, money cash flows. Cash flows money, il faut des biftons. Cash flows money, tu connais le dicton. Cash flows money, envoie les pistons. Cash flows money, money cash flows.